Alors en fait, je sortais de ma pièce de théâtre, je venais de jouer ma pièce, et puis j'avais pas envie de rentrer chez moi, parce que je savais que j'allais passer une semaine chez moi sans sortir, donc j'ai voulu en profiter un peu. Alors j'ai été manger un sandwich au McDonald's. Et puis il y avait une chanson de Gainsbourg au McDonald's qui est passée, Si Sex and Son. Alors moi j'étais vachement content quoi. Je me suis dit, bah, personne connaît Gainsbourg au McDonald's, ils avaient tous entre 16 et 18 ans. Et puis en fait, si, il y avait une fille à côté de moi qui s'est mise à parler à son mec qui était en face. Et puis qui a dit que... Bon, parce que maintenant les jeunes d'aujourd'hui détestent Gainsbourg. Hein. Dans les années 80, c'était l'idole des ados, parce que les ados, ils avaient envie de provocation, ils ont envie de bousculer les règles. Et Gainsbourg, c'était tout ça, alors que maintenant les jeunes d'aujourd'hui... Les médias en ont fait des bigots. Hein. Maintenant, c'est des bigots des années 20. D'ailleurs, des années 20, c'est pas pour rien si on appelle ça les années 20. C'est qu'on est vraiment dans les années 20. Bref, les jeunes détestent tout ce qui sort des sentiers battus et tout ce qui est provoquant. Donc, c'est toutes les valeurs qui ont été inversées depuis 40 ans. Et donc, elle parle de Gainsbourg, cette fille. Et puis, elle dit à son mec, bon, les poncifs habituels, ça commence par... manipulateur, toxique, et puis au bout d'un moment elle dit violeur, elle dit c'était aussi un violeur, il violait ses meufs. Alors merde, moi qui ai lu vraiment 4 biographies de Gainsbourg de 800 pages, je connais toute sa vie par cœur et je sais très bien qu'il n'y a jamais eu de viol dans la vie de Gainsbourg quoi. Et donc là des gens autour se mettent à s'intéresser à ce qu'elle dit, à lui demander, et puis même son mec et tout, ça l'interroge un peu, il lui dit ah bon violeur, il a violé qui et tout. Et puis là elle explique qu'en fait il était alcoolique et du coup il parlait mal des fois, il criait sur sa femme. Voilà. Et donc ça c'est du viol, parce qu'en fait il malmenait des meufs en leur parlant mal ou en étant impulsif. Voilà. Et donc, là, j'ai compris ce que voulait dire le mot viol aujourd'hui. Le mot viol, donc, est complètement galvaudé. C'est pas forcer quelqu'un à coucher avec lui avec des gestes. C'est juste être méchant, en fait. Voilà. Donc, quand tu as fait un méfait dans ta vie, tu es un violeur. Et j'ai compris ensuite pourquoi j'étais accusé de violeur par les jeunes de Metz, les Beaux-Arts et tout, les Antifa, tous les gens qui ont moins de 25 ans. Et ça m'a fait comprendre ça. C'est que, effectivement, si parler mal à une fille, si boire un coup de trop, et puis avoir été impulsif et avoir été con dans sa vie, c'est avoir violé. Alors, effectivement, oui, je suis un violeur. C'était pas ma définition réelle du mot violeur, mais il se trouve qu'aujourd'hui, c'est la définition de base. Voilà. Si jamais tu as été méchant avec quelqu'un un jour, tu es un violeur. Et donc, j'ai appris ça au McDonald's, comme quoi le McDonald's peut faire apprendre des choses sur soi-même. Ensuite, bien conscient que je n'avais plus rien à voir avec cette époque, j'ai décidé de rentrer chez moi. Et puis sous l'arrêt de bus, il y avait une très belle fille qui ressemblait un peu à Angel, qui portait une fille dans ses bras, une fille d'environ quelques mois, très mignonne aussi. J'ai alors pensé à l'hypothétique mère de ma fille, qui élève une fille en ce moment en Angleterre. Et peut-être que c'est ma fille, mais je ne peux pas la voir. Ensuite, un couple est venu juste à côté de moi. Il me frôlait en se roulant des pelles. Un jeune couple d'environ 18 ans. Moi qui suis seul et célibataire depuis 5 ans, sortant de ma pièce de théâtre. C'était très difficile, alors moi j'allais au départ sous l'arrêt de bus juste pour éviter la pluie torrentielle qui me tombait dessus. Mais j'ai préféré retourner sous la pluie. Les couples à côté de moi et puis les mères avec des enfants rejoignant leur mari, je ne supportais pas. Moi qui rentrais pour une semaine vivre seul avec mon chat. Alors je suis retourné sous la pluie et j'enregistre ça actuellement. Sous la pluie. Même si je vais rester seul une semaine, je suis tout de même bien content d'entrer chez moi après être sorti une heure seulement. Car même si ma vie seule chez moi est horrible, dehors, à l'extérieur, c'est encore pire.